mon dernier souffle. Ils nous auront tous, jusqu'à la dernière connerie. On dit qu'au ciel on sera tous servis. Yo, jusqu'à mon dernier souffle. Bien sûr que je resterai noir. Et même quand les malheurs te bouffent, il te reste toujours un peu d'espoir. Crée ta propre équipe, sois toujours équipé. Et ta propre éthique, ne te fie jamais aux étiquettes. Jusqu'à la dernière seconde et dernier dixième, les gens s'aimeront de ton voisin à la péripatéticienne. Jusqu'à mon dernier centime, mec, je me prends pas la tête. Jusqu'à la fin du film et qui rembobineur à la cassette. Tiens, jusqu'à la dernière mesure du dernier morceau d'un dernier album. Avant la fin, un dernier show, show. Avant la dernière cartouche d'encre, dernière balle. Jusqu'à la dernière dent, jusqu'à la dernière date. Avant les derniers mots doux envers les femmes, je protégerai mon dernier œuf doux dans le cellophane. Jusqu'à la dernière image et le dernier son, jusqu'au dernier équipage et les dernières recommandations. Les dernières sorties avec les derniers potes, avant la fin de ce couplet, écoute ces dernières notes. Tu sais pourquoi je t'ai dit tout ça? Non, je suis si consterné, parce qu'ils nous auront tous et ça jusqu'au dernier. Jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'au dernier, ils nous auront tous, je suis consterné. Jusqu'à la dernière connerie qu'on se permet. On dit qu'au ciel on sera tous servis jusqu'au dernier. Jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'au dernier, ils nous auront tous, je suis consterné. Jusqu'à la dernière connerie qu'on se permet. On dit qu'au ciel on sera tous servis jusqu'au dernier. Avant le dernier grand voyage et la dernière lumière blanche, avant que ma vue ne flambe pas de mille feux, je ne recevrai aucun ordre de qui que ce soit, car personne n'est un demi-dieu. Jusqu'à la dernière minute de mon forfait, je forcerai la chance pour que tout soit parfait. Jusqu'à la dernière goutte d'eau avant la sécheresse, avant mon dernier grand saut, il faut que je déstresse. Avant le dernier baiser à mon dernier amour, avant de décéder, qu'ils aient décidé de ma mise à mort. Avant que la nature ne pète complètement un cap, car déjà en 2005 elle est complètement instable. Jusqu'au dernier shoot et le dernier but, jusqu'à mes dernières choses pendant la dernière lutte. Yeah. Jusqu'au renouveau de l'Afrique, je ne serai pas reposé. Jusqu'à la dernière brique, les flics vont s'en manger, c'est osé. Parler tout fort de la mort maintenant, faut pas se mentir car tu ne sais pas quand arrive le dernier instant. Alors profite du dernier bonheur et fais honneur à ta famille avant que n'arrive ton heure. Une dernière sortie avec les derniers potes, avant la fin de ce couplet, écoute ces dernières notes. Tu sais pourquoi je te dis tout ça? Je suis encore consterné, parce qu'ils nous auront tous et ça jusqu'au dernier. Jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'au dernier, ils nous auront tous, je suis consterné. Jusqu'à la dernière connerie qu'on se permet. On dit qu'au ciel on sera tous servis jusqu'au dernier. Jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'au dernier, ils nous auront tous, je suis consterné. Jusqu'à la dernière connerie qu'on se permet. On dit qu'au ciel on sera tous servis jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier frère encore en vie, avant que le dernier de nos frères ne soit sans vie. Jusqu'à nos dernières envies, le dernier mauvais comme gentil. Jusqu'à mon dernier souffle, j'espère aux Antilles. Jusqu'à ce que nos blocs ne soient tous anéantis. Je perds pas de temps, je sais pas combien, il me reste encore d'années en vie. Jusqu'au dernier croissant de lune, le dernier cône qu'on fume. Jusqu'au dernier croisement de rue et le dernier feu qu'on brûle. Jusqu'à mes derniers mots sur le MIC, j'attends pas que vous m'aimiez. Je suis peut-être le dernier que vous haïssez, peu importe. Car les derniers seront les premiers et les mauvais perdants seront toujours les premiers pour le nier. J'écris les derniers vers de mon texte, ça savoure comme un dernier verre de rhum sec. Une dernière réunion de famille est nécessaire pour leur rappeler que je les aime et que pour une dernière fois je les sers. Une dernière sortie avec les derniers potes, avant la fin de ce morceau, écoute ces dernières notes. Tu sais pourquoi je t'ai dit tout ça? Plus le temps d'être consterné, parce que ça y est, on est arrivé jusqu'au dernier. Jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'au dernier, ils nous auront tous, je suis consterné. Jusqu'à la dernière connerie qu'on se permet. On dit qu'au ciel on sera tous servis jusqu'au dernier. Jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'au dernier, ils nous auront tous, je suis consterné. Jusqu'à la dernière connerie qu'on se permet. On dit qu'au ciel on sera tous servis jusqu'au dernier. Yeah.